taxi. Oui, taxi. Il n'a qu'un seul qui t'aurait excusé. Noël, il droume, hein, taxi. Et d'autres, tata. Taxi. Oui, taxi. Oh, oh, pendant tout, tata. Qui t'a qu'on a quatre, hein? Oh, de rien, champion, un franc qui va à quatre. Ouais, n'a même mis qu'on bantou, on viva. Oh, n'a dodo, n'a mano, n'a mimi, n'a diamant, n'a maes, n'a béwe, José, Freddy, mon bébé, Jim, Pachang, à Marseille, bokap, yo. Toke crack, ko. Bon, toke crack, dit. Yeah.